Regardez les enfants, pendant le voyage, on va traverser l'océan Atlantique. On va partir de France et on va arriver au Mexique. C'est la première fois qu'on va aller sur un autre continent. Mais papa, le Mexique, c'est un continent? C'est où? Non, Cédric. C'est un pays qui se trouve sur le continent américain. Et la capitale, c'est Mexico. Ce pays est à la frontière des États-Unis.